Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amebariki nyote. J'ai oublié de porter le micro. On me l'amène. Ni saulika kuvaa la mikro yangu bali nyatete. Alors, attendant, on peut se lever pour lire la parole. Mukongoja taweza kusimama njoo kusoma neno. OK. Se lever pour lire la parole. Ntalamuka ajio tusome neno. J'avais dit qu'on lira toujours le texte de Daniel 12, verset 8 à 10. Nilisema tutasoma paka andiko yetu ya Danieli 12 mstari 10 paka 12. Et j'aimerais lire ce texte dans la traduction Darby. Na nilipenda kuisoma mkutafsiri kwa Darby. Daniel chapitre 12, verset 8 à 10. Danieli 12 mstari 8 paka 10. J'aimerais lire la traduction Darby. Niko nasoma kugeuza kwa Darby. Parce qu'elle ressort bien elle ressort bien les choses, Kwa sababu kunaonesha mzuri. Il y a beaucoup de choses que vous verrez, c'est qu'on n'a pas bien traduit. Mtaona kubitu ya mingi ili wisegon ashikutafsiri mzuri. Segon a traduit peut-être dans un contexte trinitaire. Segon ari tafsiri munamna ya ba Mungu tatu. Mais vous verrez que Darby lakini, a traduit ça correctement. Mutaona sema Darby al tafsiri yu mzuri kabisa. Mais que Dieu soit loué parce que dans ce temps de la fin, Dieu nous a révélé sa parole. Lakini Mungu asifiwe jumu wakati ya mwisho Mungu alitufunulia neno lake. Et il nous a donné la clarté sur toute chose. Na alitupatia mwangaza yule ya maandiko yote. Réellement, nous pouvons dire, comme Joël l'avait dit, Atika, toweza kusema sabule yule alisemaka, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ya kwamba taifa yangu itakuwa tena kamwe mvuruko. Nous lisons Daniel 12, 8 à 10, traduction Darby. Tafsiri kwa Darby, Daniel 12. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Na mimi nilisikia lakini sikuelewe. Je dis, mon Seigneur, nikasema Bwana wangu, quelle sera l'issue de ces choses? Sasa mwisho wa mambo yote ni itakuwa je? Et il dit, va Daniel. Na akasema wende Daniel. Car ses paroles sont cachées, scellées jusqu'au temps de la fin. Lakini maneno yatafichwa na kutiwa muhuri kufika wakati ya mwisho. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Ba mingi batatakasika batakuwa beupe na kusafishwa. Et les méchants agiront méchamment. Na batu babaya batendera kutenda na bubaya. Et aucun des méchants ne comprendra. Na kuna ta mmoja wa babaya ataelewa. Mais les sages comprendront. Lakini ba hekima bataelewa. Notre Dieu et notre Père céleste. Mungu wetu na baba yetu wa kumbingu. Auteur de la parole. Mwenye neno. Te disons merci pour la grâce que tu nous as encore faite ce soir. Nakuambia asante kwa neema ulitupatia tena mangaribi ya leo. Et nous retrouver autour de la parole de vérité. Yashe tukutane tena kandukanda neno lako ya ukweli. Wa chacun de nous Seigneur. Paka kila mmoja wetu. Et amène chacun de nous à comprendre ta parole. Na upeleke kila mmoja wetu aelewe neno lako. Soutiens-nous, Seigneur, par ta parole. Utusaidie kupitia neno lako. Et par ton esprit. Na kupitia roho yako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Sommes toujours dans les sujets intitulés les sages comprendront. Tukupaka mushina yetu linaitwa baikima bataelewa. C'est un sujet très important. Nishina moya mafaa zaidi. Et je vous ai montré hier na nimeonesha jana que quand il est question des vierges sages et des vierges folles, ya kwamba wakati wanasema yule ababikira bapumbafu na benye kima, c'est un rapport exclusivement avec le temps de la fin. Tu paka na wakati ya mwisho. Exclusivement. Paka tu kutosha biote kubatia paka wakati ya mwisho. Dans chaque âge, il y a eu des appelés, des élus et des réprouvés. Mukira kizazi mlikuwa bale baliitwa, bale batateuliwa na bale batakataliwa. Mais ce seulement au temps de la fin. Lakini tu ni paka wakati ya mwisho. Que nous retrouvons des vierges sages Jomule, et des vierges folles. Tukunapata mwabikira wa bekima na babumbafu. Les vierges sages. Babikira baikima. Ce sont les élus du temps de la fin. Ni bateule ba mwakati ya mwisho. Qui seront trouvés vivants lorsque l'enlèvement aura lieu. Bale batakutanika bazima wakati kunyakuliwa kutafanyika. Et qui partiront. Na bo bataenda. Parce que tous les élus seront dans l'enlèvement. Sababu bateule bote batenda mkunyakuliwa. Tous les élus seront dans l'enlèvement. Bateule bote batenda mkunyakuliwa. Vous croyez ça? Munamini vile. Et vous n'avez pas montré que vous croyez ça. Lakini amuonesha sema munamini hiyo. Quand on croit, qu'est-ce qu'on dit? Wakati banamini banasemaka nini? Jamais quand on croit. Banasemaka amina wakati banamini. J'ai dit et je le redis. Tous les élus de Dieu seront dans l'enlèvement. Depuis Adam, puisque Adam c'était un élu. Kwanzia kwa Adam, kwa sababu Adam alikuwa ni mteule. Depuis Adam. Kwanzia kwa Adam. Et tous les élus de l'Ancien Testament. Na bateule bote bomogano la kale. Et tous les élus du Nouveau Testament. Na bateule bote bomogano jipya. Jusqu'au tout dernier qui entrera là. Ufika na kwa mwisho la tengi. Seront présents lorsque Jésus reviendra. Batakuyako mkunyakuliwa wakati Yesu atakuja. Mais la majeure partie de ces élus se trouve dans la tombe. Lakini kipande kinene kiabale bateule beko makaburi. Ceux de l'Ancien Testament ne sont plus dans la tombe. Bale ba mwagano lakale bale tena makaburi. Les élus de l'Ancien Testament sont déjà ressuscités. Bateule ba mwagano lakale bo basha kufufuka. Ils ne vont plus ressusciter. Abata fufuka tena mala ingine. Quand le Seigneur quittera le ciel. Wakati Bwana atatoka kumbiri. Il les prendra là au paradis. Atababeba kule ku paradiso beko. Et il se tiendra dans les airs avec eux. Na atashimama nabo mule mumaewa. Nous, les morts en Christ, ressusciterons. Shiba fukatika Christ utafufuka. Nous les vivons. Shebenye kwa bazima. Nous serons changés. Tutabadilika. Et nous irons rencontrer le Seigneur dans les airs. Na tutenda kutana na Bwana mule mumaewa. Et maintenant, quand le corps complet. Sasa wakati le mwili yote quand teneana, le corps sera au complet. Wakati mwili yote teneana. C'est-à-dire composé. Nikusema, de l'épouse. Yenye kutungwa. De l'Ancien Testament. Na Bibi ya Rusi mwagano lakale. Du Nouveau Testament. Na kutungwa na Bibi ya Rusi mwagano jipya. Alors, le Seigneur nous prendra tous. Sasa Bwana tutubeba. Et nous amènera dans les palais. Na tatupeleka mule mchumba yake. Mule mu Yerusalem mupya. L'épouse de Christ. Bibi harusi wa Kristo. Est composée des élus de l'Ancien Testament. Anatungwa na bateule ba mwagano la kale na bateule ba mwagano jipya. C'est pourquoi cette épouse est représentée par 24 anciens. Njo kwa maana ile bibi harusi anamaanisha na bale baze 12 na 4. Qui sont les 24 anciens? Ba baze bale 12 na 4 ibanani. 12 patriarches ou les 12 fils de Jacob. Ni bale bababu 12 ba Yakobu batoto. Les 12 apôtres. Na ba mitume 12. 12 fils de Jacob. Bale batoto 12 ya Yakobu. Représente l'église épouse de l'ancienne alliance. Njo beko naonesha kanisa ya zamani ya agano la kale. Les 12 apôtres. Ba mitume 12. Représente l'église épouse de la nouvelle alliance. Bo beko naonesha kanisa bibi ya Rusi ya mwagano jipya. Et cet ensemble là. Na ile yote mungano yote. De l'ancienne alliance. Ya mwagano la kale. Et du nouveau de la nouvelle alliance. Na mwagano jipya. Forme l'épouse de l'agneau. Njo inatunga bibi ya Rusi wa mwana kondo. Donc les Abraham, nikusema ba Ibrahimu, les Isaac, ba Isaka, les Jacob, ba Yakobo, les patriarches, bale mababu bote, les juges, ba les Yuda, prophètes, ba bamzi, ba nabi, tout ça, bote bale, ce sont les élus de l'Ancien Testament. Ni ba teule ba mwagano la kale. Et les apôtres, na ba mitume, avec tous les autres ministères, na ima uduma yote ngi, ainsi que nous, na pamoja nasi, nous sommes les élus du Nouveau Testament. Tuko ba teule ba mwagano jipi. Frère, nous sommes inclus dans le plan de Dieu au temps de la fin. Banduku tunaingizwa mu mapu ya Mungu mwi wakati ya mwisho. Ne vous sous-estimez jamais. Mushijona sema Mungu kuba chini kamwe. Et Abraham, notre avant ancien avant nous. Et Ibrahim wa stengia kumbele kumbingu mbele yetu. Même si Abraham a vécu avant nous. Ata Ibrahim aliishi mbele yetu. Nous entrerons au ciel au même moment. Lakini tutaingia kumbingu shebote pamoja. C'est la vérité. Ni ukweli. À la même minute. Mudakika tu moja. Où Abraham piétinera le ciel. Bale Ibrahim atakanyanga mpulaje kumbingu. Na shetu takanyanga. C'est ça la vérité frère. Njoo yenye kwa ukweli bandu. Ne vous sous-estimez jamais. Mushi njoo nasema mwa mkubwa chini kamwe. Et un chrétien. Na mu Kristu. Ne peut pas trembler devant un juif. Awezi kutetemeka mbele ya Muyuda. Parce que en Christ. Sababu ndani ya Kristu. Dieu nous a placé plus haut qu'Israël. Mungu atuweka bayulu kupita ta Israeli. Parce que Israël. Sababu Israeli. Est lié à la Jérusalem terrestre. Qui est dans la servitude. Mukungana na Yerusalemu ya pa dunia yako mkatika butumwa. Mais nous. Lakini shei. Nous sommes liés à la Jérusalem céleste. Tuko venye kuungana ku Yerusalemu ya kumbingu. La Jérusalem céleste est libre. Yerusalemu ya kumbingu iko huru. C'est notre mère. Ni mama yetu. C'est la Bible frère. Ni Biblia banduku. Il faut que chacun comprenne. Il n'a fallu qu'il a mangé à l'éloi. Que nous avons reçu une grâce particulière. La quamba tripoki a nema ekipeki. Nous sommes le seul âge. Tu kotu kizazi ki moi tu peke. Tu auras des vivants à l'heure de l'enlèvement. Kile kitakuwa na batu bazima mwakati ya kunyakuliwa. Tous les autres âges. Ii mabizazi yote. Sortiront de la tombe. Batatoka na makaburi. Mais nous, lakini shei, une partie kipande, sortira de la tombe, kitatoka kika matubu, une autre partie kipande kingine, montera vivant, kitapanda kinyekwa kizima. Quel privilège est la nôtre? Damani kani faida kani? Nous devons louer le Seigneur encore de ça. Tunapasha kusifu Bwana kwa sababu ya hili. C'est la vérité, frère. Ni ukweli banduku. Bien mes frères et sœurs. Bapendo nduku na dad. Remarquez qu'ici dans Daniel. Muona sema humu mu Danieli. Au chapitre 12. Musura ya 12. Il est parlé du temps de la fin. Bana semea sema wakati ya mwisho. Daniel entendit. Daniel akashikia. Mais ne comprit pas. Lakini ashikuelewaki. Qui était Daniel? Daniel alikuwa ni nani? Prophète majeur. Nabi wa yulu wa munene. Vous comprenez qu'un prophète aussi peut entendre, mais il ne comprend pas. Munaelewa sema nabii anaweza naye kushikia mashelewi. Il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses. Ni paka Mungu anajua vitu vyote. Daniel. Danieli. Prophète. Nabi. L'ange vint à lui. Malaika anakuja kwake. Il entendit. Anashikia. Mais il ne comprit pas. Lakini ashelewi. L'ange lui a parlé. Malaika alimsemezea yake. Mais il n'a pas compris. Lakini ashikuelewaki. Il dit, mon Seigneur. Anasema bwana wangu. J'entends, mais je ne comprends pas. Mimi nashikia lakini mishelewi. Et je dis, mon Seigneur. Nikasema bwana wangu. Quelle sera l'issue de ces choses? Sasa mwisho hii mambo itakuwa je? Donc le prophète aussi avait besoin qu'on lui explique. Nikusema basi. Afin qu'il comprenne l'issue de ces choses. Nabii alikuwa lazima ba kumfasiria juu aelewe mwisho ile mambo. C'est pourquoi aucun prophète ne révèle la parole. Njoo kwa maana kuna tanabii moyo kuna funula neno. Dieu seul est le révélateur de sa parole. Mungu pekee njoo mwenye kufunula neno lake. Que ce soit dans l'Ancien Testament. Ikuwe mwagano la kale. Ou dans le Nouveau Testament. Au mwagano jipya. Il n'y a que Dieu qui révèle la parole. Tupaka Mungu pekee ndio kunafunua neno. Frère Branham n'a pas révélé les sceaux. Nduku Branham ashikufunule mamiuri. Frère Branham a reçu la révélation des sceaux. Nduku Branham alipokea ufunulo ya mamiuri. Après l'avoir reçu. Na kisha kuipokea. Il a transmis ça à l'église. Na yari kabula ku kanisa sasa. C'est pourquoi il pouvait se tenir devant l'église. Ndoko mwana yaweza kusimama mbele ya kanisa. Il pouvait se tenir devant l'église. Angeweza kusimama mbele ya kanisa. Ainsi dit le Seigneur. Na kusema hivi Bwana anasema. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema. Ainsi dit le prophète. Hapana kusema hivi nabii anasema. Ainsi dit le Seigneur. Asema hivi Bwana anasema. Si vous lisez les âges de l'église. Na kama mnasoma mabizazi ya kanisa. À la fin de chaque lettre des âges. Kumwisho wa kila barua ya kila kizazi bananjika. Que celui qui a des oreilles. Asema ule kuna masikio. Entende ce que l'esprit dit au kanisa. Asikie kile roho kunasema kwa kanisa. Et 2 Corinthiens 3:17 dit. Na Wakorintho wa 2:17 nasema. Oh le Seigneur. Japo Bwana. C'est l'esprit. Ni roho. Et là où est l'esprit du Seigneur. Na pale peko roho ya Bwana. Là est la liberté. Pale peko uhuru. Bien mes frères et sœurs. Bapendwa ndugu na dada. Daniel prophète majeur. Danieli prophète nabii wa munene. Il entendit. Anasikia. Mais il ne comprit pas. Lakini ashikuelewi. Vous savez que quand vous lisez dans le septième sceau. Unajua sika unasoma mule muhuri ya saba. Vous verrez que frère Branham a une période. Mutayose ndugu Branham wakati mwa fulani. Il a prêché tous les sept sceaux en un jour. Arubiraka imamiuri yote saba mshiku tu moyo. Et il a tapé à côté. Na aliendaka ni pembeni kabisa. Frère Branham. Ndugu Branham. Il a tapé à côté. Aliendaka mpembeni kabisa ya funulo. Mais quand la révélation est venue. Lakini wakati ufunuo ulikuwa kwake. Il dit quand la révélation est venue. Wakati ufunuo ulikuwa kwake anasema. Je disais ces choses. Asema bila kuna sema yule mambo. Na bila Mungu aninifunulia. C'est à des milliers de kilomètres à côté. Asema binachana kabisa sana kwa mbali. Donc vous comprenez que. Nikusema basi mnaelewa. Frère Branham attendait la révélation. Atani ndugu Branham alikuwa anachunga ufunuo. C'est vrai. Ni bia kweli. Même ce soir. Ata mangaribi ya leo. Pendant que nous vous prêchons la parole. Wakati tunamhubiri neno. Il faut que Dieu vous la révèle. Inafai Mungu yamifunulie hiyo pale mwiko. C'est la vérité. Ni bia kweli. Nous prêchons la parole révélée. Tuko na hubiri neno yakufunuliwa. Il faut que Dieu vous ouvre l'esprit. Sasa inafai Mungu akufungulie akili. Jupate kuelewa maandiko. Si ne le fait pas. Kama shifanye. Vous sortirez d'ici sans rien comprendre. Utatoka hapa bila wewe kuelewa kitu. C'est pourquoi frère. Je commande bandu. On écoute pas la parole en swahili. Abashiyake neno mswahili. On écoute pas la parole en français. Abashiyake neno mfranzi français. C'est dans l'esprit qu'on écoute. Ni mukiro ndio mle wanashikiaka neno. C'est ça la vérité. Jo nye ukweli. Remarquez ce que l'ange dit à Daniel. Muone kile malaika anamwambia Daniel. Il dit. Anasema. Verset 9. Il répondit. Va Daniel. Va. Wende Daniel, wende. Car ces paroles que tu as entendues là. Sans maneno, ile uirelewa bila kuburichika bila kuelewa. Daniel a entendu mais il n'a pas compris. Daniel alishikia mashikuelewa. Alors on dit va. Bana mwambia sema wende. Va te reposer. Wenda tu kapumzike. Car ces paroles. sababu imaneno que tu as entendu mais que tu n'as pas compris ile o lisikia na ukwelewe seront tenus secret itabakienye kuchunga sawa siri Scellé jusqu'au temps de la fin. Na kufika paka mwakati ya mwisho. Et je vous dis ce soir, na, nous sommes au temps de la fin. Niko nimeambia magharibi leo siku mwakati ya mwisho. Et ce qui était caché à Daniel. Na kile kiko kwenye kuficha kwa Danieli Mungu atufunulie yacho. Quel privilège. Ni faida kani bizuri kani. Frère, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple différent. Et ça, il faut être reconnaissant, Dieu. C'est vrai. Écoutez, frère. Quand on parle du temps de la fin, il s'agit de la fin du temps de la grâce. Ni kusemea sema ni mwisho ya wakati ya neema. Il s'agit de la fin du jour du salut. Ni kusema wanasemea mwisho ya siku ya wokovu. Il s'agit de la fin des derniers jours. Ni kusema ni mwisho ya masiku ya kumwisho. Il s'agit de la fin de l'aujourd'hui. Ni kusema ni mwisho ya leo. Il s'agit de la fin de cet âge de l'église. Ni kusema ni mwisho ya hii kizazi ya kanisa. Il s'agit de la fin de la dispensation du Saint-Esprit chez les païens. Ni kusema ni mwisho wa kazi ile Roho Mtakatifu anatumika kwa pagano. Il s'agit de la fin du jour que le Seigneur a fait. Ni kusema ni mwisho wa siku ile Mungu alitunga. Il s'agit de la fin de l'année de jubilé. Ni kusema ni mwisho ile mwaka ya yubile. Il s'agit de la fin du temps favorable. Ni kusema ni mwisho ile wakati ya kufaa. Il s'agit de la fin de ces jours-là. Ni kusema wanasemea mwisho ile siku ile. Pas mwisho. Au pluriel. Mashiku, voilà. Parce que c'est ces jours-là au pluriel. Sababu ile mashiku ile ya mingi. Donc toutes ces notions que je viens de citer là. Nous sema ima misemo teme asema. Parle de la période comprise entre la première venue du Seigneur. Lorsqu'il est venu mourir à Golgotha et la seconde venue quand il viendra enlever son épouse. Wakati kufa Golgotha na pale atakuwa wakati atakuwa kuinua bibi harusi wake. Cet espace de temps là. Il est qui pendait à wakati hotel. Comprise entre la première venue du Seigneur. Kuanzia kumwanzo ya kuja ya Bwana ile shofar kwa kwanza. Na kuja kwake kwa pili. Cet espace là. Il est qui pendait hotel wakati. Est appelé le temps de la grâce. Banaita yosema wakati ya neema. Il est aussi appelé le dernier jour. Banaita tena sema masiku ya kumwisho. Il est appelé aussi ces jours là. Banaita tena sema masiku ile. Il est aussi appelé aujourd'hui. Banaita yote nasema leo. Il est aussi appelé le jour du salut. Il est qui pande banaita tena sema siku ya wokovu. Il est aussi appelé les derniers jours. Banaita tena sema masiku ya kumwisho. Il est aussi appelé le sept âges de l'église. Banaita yote nasema mabizazi saba ya kanisa. Est-ce que vous comprenez? Eti mko naelewa. C'est cet espace là. Ni ile kipande ya wakati yote. Et ça commence. Na ilianza. Ça se terminera. Na itamalizika. Ça commence avec la première venue du Seigneur. Ilianzaka na kuja kwa kwanza kwa Bwana. Ça se terminera avec la seconde venue du Seigneur. Et itamalizika na kuja kwa pili kwa Bwana. Je vous dis jusqu'à ce soir. Mine miambia kufika na magharibi ya leo. Nous attendons l'enlèvement. Tuko na chunga kunyakuliwa. Et il n'y a pas d'enlèvement spirituel. Na kuna kunyakuliwa kwa kiro. L'enlèvement sera physique. Kunyakuliwa kutakuwa kwa mwili kwa mwili. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini vile? L'enlèvement sera physique. Kunyakuliwa kutakuwa ni kwa kimwili kwa mwili. Enoch fut enlevé. Ari nyakuliwak. Physiquement. Mwili yake. Vrai ou faux? Ni bya kweli bya bongo. Vous avez faim? Mbona njala? Vrai ou faux? Eti ni bya kweli bya bongo. Écoutez frère. Sikilizeni banduku. Enoch fut enlevé physiquement. Ari nyandela kama kunyakuliwa mwili. Bya kweli bya bongo. Elia fut enlevé physiquement. Ari nyakuliwa kama mwili yake. Vrai ou faux? Bya kweli bya bongo. Nous serons enlevés physiquement. Na she tutanyakuliwa mu mwili ya bumuntu. Vrai ou faux? Bya kweli bya bongo. Dio. Jésus. Yesu Kristo. Ne fut pas enlevé. Ashikunyakuliwake. Mais Jésus fut élevé. Lakini Yesu ye arinuliwaka. Qui croit Jacques? Nanya na mini fili. Dieu bénisse. Mungu amibariki. Enoch fut enlevé. Enoch arinyindaka mkunyakuliwa. Eli fut enlevé. Eli a rendaka munyakuliwa. Nous serons enlevés. Nashe tutenda munyakuliwa. Jésus fut élevé. Lakini Yesu yeye arinuliwaka. Il faut être précis dans la parole de Dieu. Banduku ne fai kusema mzuri ndani ya neno ya Mungu. Enoch dépendant de quelqu'un pour être enlevé. Akona jongoja kwa mtu mmoja apate kumnyainua. Eli Elia dépendant de quelqu'un pour être enlevé. Akona jongoja kwa fulani ndio apate kumnyainua. Sheye dépendant de quelqu'un pour être enlevé. Akona jongoja kwa mtu ndio apate kumnyainua. Jésus ne dépendait de personne. Lakini Yesu yashikuangalia kwa mwingine. C'est la vérité. Ni bya kweli. Bon, Jésus était bon, Jésus fut élevé. Joko mana Yesu yaba kumuinuliwake lakini aliinuliwa. Lisons ça dans votre Bible. Tuisomeni mwa Biblia hivi. C'est écrit. Iko kwenye kuandika. Jean 12 32 à 33. Yohana 12 32 pa 33. Bon, Jésus, c'est sur le terme élevé, élevé. Mtaona paka Yesu anaandika c'est inuliwa, inuliwa, inuliwa. Jean 12. Yohana 12 32 33. 32 pa 33. Et moi, namie quand j'aurai été élevé wakati de la terre, mita inilua kutoka pa dunia, j'attirerai tous les hommes à moi. Mita futa batu bote kwangu. C'est quel verbe? Ni enlevé kani, ou élevé? Ni kunyakuliwa ku inilua. Élevé, n'est-ce pas? Ni kuinuliwa. Et là il parlait de sa mort. Na pale kuna semeni ilufu yule alufu yake. Mais il dit je serai élevé de la terre. Na mita inuliwa pa bulongo. Acte 2 32 à 33. Matendo ya mitume 2 32 paka 33. Il est écrit ceci. Banaandika hivi. C'est ce Jésus que tu as ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Yesu Mungu alifufula tushobwe tukubashuda. Élevé par la droite de Dieu. Mwenye kuinuliwa kwa kume ya Mungu. Est-ce que l'église suit? Eti kanisa kuna fuata. Élevé par la droite de Dieu. Mwenye kuinuliwa kwa kume ya paya ya Mungu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Alipokea kwa Baba Roho Mtakatifu la kiwaka. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Na alisambaza paka vile Mungu naiona na kuisiki. Élevé par la droite du Père. Inuliwa kwa ukume wa Mungu. Acte 1 10 à 11. Matendo ya mitume. Que second mal traduit, je lirai ça dans la traduction Darby. Lakini hivi bali tafsiri mimi nitasoma mtafsiri ya Darby. Ce que second a dit. Mushike vile yuli second alisema. Et je vous lirai ce que Darby dit. Na mite misoma kile Darby na tafsiri. Écoutez. Musiki. Acte 1 10 à 11. Matendo ya mitume 1 10 na 11. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Écoutez comment c'est grand mal traduit. Dit, car c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Maintenant écoutez Darby. Et qui dit, qui aussi dit, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? C'est Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel. Viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. C'est Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel. Ula rinuliwa toka moye kwenda kumbingu. Il était avec eux. Nikisema alikuwa pamoja nabo. Il était parmi eux. Alikuwa katikati yabo. Il a été élevé. Na ari inuliwa dans le ciel. Mumbingu. Et Paul le confirme. Na Paulo naye anahakikisha. Dans 2 Timothée 3. Mu Timothée wa pili sura ya 3. 1 Timothée 3:16. Timothée 1 Timothée 3:16. Timothée wa kwanza 3:16. Écoutez ce que Paul dit. Sikilizeni kile Paulo anasema. 1 Timothée 3:16. Timothée wa kwanza 3:16. Et sans contredit. Na bila kubishana. Ça dit qu'il n'y a pas de discussion ici. Sema kuna mambo kubishana. Et sans contredit. Na bila kubishana. Le mystère de la piété est grand. Siri ya utawa iko ya munene. Dans la Bible, il n'y a que deux mystères qui sont appelés grands. Mu Biblia mkupaka masiri mbili wanaita sana ya munene. C'est le mystère de la piété ici. Siri ya utawa hii. Et le mystère du mariage. Na siri ya ndoa. Entre Christ et l'église. Katikati ya Kristo na kanisa. Ce sont les deux seuls mystères dans la Bible qui sont appelés grands. Joel masiri mbili tu bwana ta Biblia sana ya munene. Car le mystère de la piété est grand. Sababu siri ya utawa iko ya munene. Dieu Mungu a été manifesté en chair. Aronokana mumwili. Justifié par l'esprit. Mwenye kuhesabiwa kupitia roho. Vu des anges. Mwenye kuonekana anamuona kwa malaika. Aux nations. Alakubiriwa kwa mataifa. Dans le monde. Anaaminiwa mudunia. Écoutez. Musikie. Élevé dans la gloire. Na mwenye kuinuliwa ndani ya utukufu. Élevé dans la gloire. Mwenye kuinuliwa ndani ya utukufu. Pas enlevé dans la gloire. Apana kunyakuliwa ndani ya utukufu. Mais toujours élevé dans la gloire. Lakini paka kuinuliwa ndani ya utukufu. Banduku. Le Seigneur Jésus est le tout suffisant. Bwana Yesu njo ulashakweneana. Il ne dépend pas de quelqu'un pour agir. Ya shangareki kwa mwingine njo apate kuanza kutenda. Mais nous nous dépendons de lui. Lakini shetu kunaangalia tuna jiongoza kwa yeye. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Na alisema bila mimi hamtaweza kufanya kitu. Mais sans nous il peut tout faire. Lakini bila shee atafanya byote. Amen. C'est ça la différence. Njo wachanisho kupale. Parce que nous n'existions pas. Sababu shatuku yake ko. Mais aujourd'hui nous existons grâce à lui. Lakini leo tuko wako juu. Kwa sababu nous étions perdus. Mais aujourd'hui nous sommes sauvés par lui. Lakini leo tunaokolewa kupitia yeye. Nous étions malades. Mais c'est maître sur que nous avons lakini été kupitia bidonda yake tulipata matunzu. Par ce maître sur pas nous sommes guéris maintenant. Ah, nasema kupitia bidonda yake tunapata matunzu hapa sasa. Par ce maître sur kupitia bidonda yake nous avons été guéris. Tulipata matunzu. C'est un fait divin. Déjà acquis. Ni mambo ya Mungu lesha kufanyikaka. Vous êtes appelés seulement à croire à ça. Mwenye mnaitwa tu kuamini kwa ile. Vous allez voir ça se manifester. Na mutaona tu inaonekana. Mais c'est déjà accompli. Lakini kitu ni mambo yashakutimilika. Ku Golgotha. Quand le Seigneur disait tout est accompli. Wakati Bwana alisema yote natimilika. Le salut fut accompli là-bas. Wokovu natimilika kule. La délivrance fut accomplie. Ukombozi natimilika kule. La guérison fut accomplie. Na matunzo yenyewe natimilika kule. Un seul acte. Tendo tu moja. Mais qui a tout accompli. Lakini ilitimiza vyote. C'est vrai, frère. Dibia kweri banduku. Donc il faut comprendre, il faut parler avec précision. Nous sommes faut kusema namna ya kueneana mabintu ya Mungu. Parce que nous vivons dans un âge où Dieu a donné la clarté sur chaque point de la parole. Mule Mungu aleta mwangaza yule kila nukta ya neno. C'est pas en vain que Dieu a envoyé un prophète. Aina tu kwa bule Mungu alituma nabii. Ce n'est pas non plus en vain qu'après le départ du prophète, Aina Dieu a suscité un docteur pour nous enseigner ce message. Kwenda kwa nabii Mungu alilamusha mwalimu mwanja kutufundisha ujumbe. Dieu ne t'attend pas. Mungu ashikareke kuna pima pima. Et remarquez tout ce qui minimise ce que Dieu a continué à faire. Sasa mwangalie kile. Bale bantu bali beula bile Mungu aliendelea na kufanya beu katika mvuruku. Ils sont dans la confusion. Beko katika mvuruku. Banduku. Quand Dieu prend une décision, wakati Mungu derrière la décision de Dieu. Anabeba mupango mwa mujoweke nyuma ile mupango. Dieu ne t'attend pas. Mungu akeleke kuna pima pima. Et il n'y a personne qui peut être plus sage que Dieu. Na kuna mtu anaweza kuwa hekima sana kushindia Mungu. Dieu est le seul sage qui soit. Mungu ndio mwenye hekima anaweza kuyako. Je vous en parlerai demain du fort. Mita misemezea kesho kama Mungu anapenda. Écoutez bien mes frères et sœurs. Sikizeni banduku na badada. La compréhension correcte. Kueleo kwa kueneana de la parole. Kwa neno au temps de la fin. Mwakati ya mwisho. C'est une promesse réservé seulement aux vierges sages. Ni malako yenye kuchunyiwa tu pa kubabikira baekima. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Sasa ulipata wapi? Mais c'est dans la Bible, non? Lakini ni mu Biblia huko. N'est-ce pas que dans Daniel 12 10 qu'on a lu avec vous? Ni kusema mu Daniel 12 tulisoma pamoja na mwe. Il est écrit là-bas? Banandika pale. Daniel 12 10. Daniel 12 10. Je vais vous le lire. Mita misomea kwa haraka. Daniel 12 10. Daniel 12:10. Plusieurs seront purifiés, affinés et blanchis et affinés. Ba mingi batatakasika batakuwa beupe na kusafishwa. Les méchants agiront méchamment. Na batu babaya batatenda na ukaidi yabo. Et aucun des méchants ne comprendra. Na kuna ta mtu mbaya mwataelewa. Mais lakini les sages ba ikima comprendront. Bo bataelewa. C'est-à-dire au temps de la fin. Ni kusema wakati ya mwisho. Ceux qui agiront méchamment, ce sont les méchants. Bale batatenda na ukaidi ni bale bakai babatu babaye. Mais les sages lakini comprendront. Ba ikima bo bataelewa. C'est une promesse ni malaku réservée seulement aux vierges sages au temps de la fin. Kubabikira ba ikima mwakati ya mwisho. C'est pourquoi frère, joko mana bandu. Quelque chose qui se passe. Kuko bitu binapitikana. Nous ne comprenons pas. Bengina ba elewe. Mais nous nous comprenons. Lakini shetu kunaelewa. Parce que la promesse nous a été donnée à nous. Sababu malako watupatia unishei. Que nous comprendrons. Ya kwamba shetu taelewa. Pendant que les autres ne comprendront rien. Mwile wakati moja moja bale bengine abataelewa kitu hata kimoja. Absolument rien. Abataelewa kitu. Écoutez s'il vous plaît, frère. Sikilizeni banduku. Sur toute la ligne de l'écriture. Mumandiko yote. Dieu a toujours insisté sur la compréhension. Mungu anakaka mukazo paka yule akuelewa. Tu peux écouter la parole mais tu comprends pas. Unaweza kusikia neno lakini hauelewi. Quelqu'un peut parler si tu comprends pas. Mungu anaweza kusema hapa wao hauelewi. Si un Sénégalais vient ici, commence à parler. Kama mtu au Sénégal anaanza kusema wolof. Il parlera. Atasema. Mais on comprendra pas. Lakini sha tutaelewa. Dieu peut aussi parler mais tu comprends pas. Mungu naye anaweza kusema lakini hautaelewa. Pour que tu comprennes ce que Dieu a dit. Je veux pas te kuelewa kile Mungu anasema. Dieu lui-même doit t'ouvrir l'esprit. Mungu yeye anapasha kufungula roho. C'est comme ça avec Dieu. Je vire na Mungu. Prenez la Bible. Bebeni Biblia. Luc 24 44 à 47. Luc 24 44 à 47. Luc 24 44 à 47. Puis il leur dit. Kisha akamwambia. Puis il leur dit. Kisha akamwambia. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Dieu qui nilikuwa namwambia wakati niko pamoja na mweye. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait kutimili kibyote binyikuandika mushiria ya Musa, mu manabii na mu mazaburi. Le Seigneur avait réparti l'Ancien Testament en trois parties. Bwana yumu yalipanga agano la kale mu vipande tatu. Moïse, Musa, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nous sommes mwanzo kutoka Hesabu na Walawi na Kumbukumbu la Torah. Ce qu'on appelle le Pentateuque. Ile wanaita mabitabu tano ya Musa. La Torah. Au Torah. Sont les cinq livres de Moïse là. Ni le mabitabu tano ya Musa. Et il a parlé aussi des prophètes. Na risemete na yuya banabi. Et le prophète commence avec Isaïe. Na banabi bananzia na Esau. Jusqu'à Malachi. Kufika na kumalakia. Et il a parlé des psaumes. Na risemete na wazaburi. Les livres poétiques. Ma bitabu ya ma mimbo. Voilà la répartition de l'Ancien Testament. Joku kabula kwa agano la kale. Moïse. Musa. Les psaumes, les prophètes. Manabi na mazaburi. Le Nouveau Testament aussi réparti en trois parties. Agano jipe na yo banipanga mpande bitatu. Il y a les évangiles. Il y a les actes des apôtres. Et puis il y a les épîtres. Voilà les trois parties du Nouveau Testament. Et Frère Branham disait, Dieu est rendu parfait en trois. Regarde, on parle de la grâce. Trois œuvres de la grâce. La justification. La sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Regarde encore, on parle de la divinité. Trois fonctions du chemin de Dieu. Père. Baba. Fils. Mwana. Et Saint-Esprit. C'était toujours trois. Kila mara tatu. Il prenait les témoins qui devaient l'accompagner. Nasara kwa wakati alikuwa anabeba washuhuda wapasha kumshindikiza. Il y avait 12 apôtres. Kulikuwa na mitume 12. Mais il prenait toujours trois. Sasa alikuwa anabeba kila mara paka batatu. Pierre, Petro, Jacques, Yakobo, et Jacques. Na Yohana. C'est toujours ce que Dieu faisait. Ndio paka vile Mungu alikuwa anafanya. Et Frère Branham en voyant ça. Na ndugu Branham kuona vile. Il dit Dieu est rendu parfait en trois. Asema Mungu anafanywa kwa mkamilifu mipande tatu. Mais c'est venu pour les pousses. Atapila atakuwa juu ya harusi. Trois venues principales. Kuja kumara tatu. Il vint premièrement. Akakuja mara kwanza. Pour sauver. Jua koko. Se fut accompli à Golgotha. Itimilika ku Golgotha. Il viendra deuxièmement. Atakuya mana namna pili. Pour enlever. Jua kunyakuliwa. C'est ce que vous et moi attendons. Jua kile wewe na mimi tunachunga. Et troisièmement. Na mara tatu. Il reviendra avec nous. Atakuja pamoja nasi. Pour régner sur la terre. Jua kutawala pa dunia. Ce sont les trois venues. Jua kuja kwake mara tatu. Tu es rendu parfait en trois. Ni kusema Mungu anafanywa mkamilifu namna tatu. Notre Dieu. Mungu wetu. Bien-aimés frères et sœurs. Mapendo ndugu na dada. Il dit là-bas au verset 45. Anasema kule mstari wa 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Na pale akabafungula kili. Afin qu'ils comprennent les écritures. Kusudi wapate kuelewa maandiko. Voilà. Unaona? Vous savez aujourd'hui pourquoi il y a des fausses doctrines? Mnajua leo kujua ni kwa mafundisho ya bongo? Chaque fausse doctrine. Kila fundisho ya bongo. N'est suite à la mauvaise compréhension de l'écriture. Iko nazali kwa kufuatana kuelewa kubaya kwa maandiko. Toutes les fausses doctrines que vous connaissez. Ma fundisho ya bongo yote mnajua. Prenez-les. Mwibebe. Nous vous montrerons qu'elles sont nées suite à une mauvaise compréhension de l'écriture. Tutamionyesha kusema rizari kwa kufuatana kuelewa kubaya kwa maandiko. C'est pourquoi. Njoo kwa maana. Pour que nous ne tombions pas dans la fausse doctrine. Tu shanguke mafundisho ya bongo. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Mungu alituma Roho Mtakatifu. Afin de nous conduire dans toute la vérité. Njoo kutuongoza katika ukweli yote. Et chaque fois que la parole de Dieu est apportée, na wakati yote neno la Mungu linahubiriwa, Dieu vient par son esprit. Mungu anakuja kupitia roho yake. Ouvrir l'esprit des sages. Kufungula ile roho ya baba hekima. Afin qu'ils comprennent mes écritures. Kusudi wapate kuelewa maandiko. C'est ce que Dieu fait. Ndio vile Mungu anafanya. Les autres, ils resteront endurcis. Sasa mtaona bene wanabakia paka wacha kufanya moyo mgumu. Les autres resteront là-bas, ils comprennent rien, mais ils font du bruit. Bene watabakia kula baelewe kitu lakini wanafanya tu paka makelele. Mais le Seigneur pouvait dire. Lakini Bwana angeweza kusema aux disciples. Kwa fasi yake wanafunzi kwenu mwei. Il vous a été donné. Il m'y paye. De connaître les mystères du royaume. Kujua masiri ya ufalme ya Mungu. Mais à eux cela est caché. Lakini kwa bobo inabafichwa. Si le Seigneur pouvait dire. Na yanga aweza kusema vile Bwana. Mimi écoute frère. Sasa sikilizeni banduku. La Bible dit? Biblia inasema? Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les écritures. Na pale kabafungula roho apate kuelewa maandiko. Voilà. Unaona? Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Hauwezi kuelewa neno ya Mungu. Si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit. Kama Mungu ashifungule akili ya roho. C'est pourquoi frère. Je comprends bandu. La théologie n'a pas de place ici. Kufunda Mungu hapana nafasi hapa. Ici c'est la révélation qui a la place. Hapa ni ufunuo ndio kuna nafasi yayo. Pour que vous compreniez la parole. Kusudi tupate kuelewa neno. L'auteur de la parole doit ouvrir votre esprit. Mwenye neno anapaswa kufungula akili yako, roho yako. Et un homme qui a compris la parole. Na mtu alielewa neno. Même son comportement le témoignera. Hata mwenendo yake itashuhudia hiyo. C'est vrai. Ni bien quoi. Tu lis dans 2 Timothée 2:7. Tu me soumets moi Timothée wa pili 2:7. 2 Timothée 2:7. Timothée wa pili 2 mstari 7. Paul s'adressant à Timothée. Paul mkumwambia Timothée. Il dit comprends ce que j'ai dit. Asema elewa ile niko nasema. Car sababu le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bwana atakupatia akili mu vitu vyote. Vous comprenez frère? Eti mnaelewa banduku? Donc pour que Timothée comprenne, kusudi tu Timothée apate kuelewa, le Seigneur devait lui donner l'intelligence en toute chose. Alipasha kumpatia akili mambo yote. Ce n'est pas l'intelligence qui vient de l'université. Aina ile akili inatokea kwa university. C'est l'intelligence qui vient de la révélation. Ni akili inatokea kufunulo. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le donner. Na ile ni paka Bwana ndio anaweza kuipatia mtu. Le Saint donne l'intelligence en toute chose. Bwana atakupatia akili mambo yote. C'est vrai, bien, mes frères et sœurs. Donc, il faut que chacun de vous comprenne que si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, vous ne comprendrez pas les Écritures. C'est la vérité, frère. Si Dieu n'ouvre pas l'esprit, vous ne comprendrez rien. Je vais vous prendre une autre Écriture. Dans Ephésiens 5. Wa Efeso sura ya 5 verset 15 à 17. Mustara 15 mpaka 17. Efeso 5 verset 15 à 17. Écoutez ce qu'il dit. Msikie bien nasema. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Mupate bashi ukeba ange na kujongoza na werevu. C'est-à-dire que la circonspection, c'est la prudence. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ou prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Il y a une conduite des insensés, il y a aussi une conduite des sages. C'est pourquoi les vierges folles sont aussi appelées les vierges insensées ou les vierges imprudentes. Mais les vierges sages sont aussi appelées les vierges sensées. Un homme qui écoute la parole et qui la comprend, na anayelewa, il obéira à la parole. Atatiku neno. Il agira selon la parole. Atatenda kufatana na neno. Il s'habillera selon la parole. Atanza kuvala kufatana na neno. Il arrangera sa chevelure selon la parole. Atatengeneza nywele yake kufatana na neno. Il se mariera selon la parole. Ataoa kufatana na neno. C'est ça. Je vile. Et ça montre qu'il a compris. Na pale inaonyesha se marie leo. Vous verrez quelqu'un qui a écouté la parole. Mutaona mtu mwe alisikia neno. Au moment de se marier. Sawa kwe kuoa. Il va se marier avec une internationale. Anenda kuoa na mtu wa mzee. Il n'a pas compris. Ye ulashikuelewe. Il n'a pas compris. Ashikuelewe kitu. Un homme qui a compris. Mtu la relewa. Se mariera avec quelqu'un qui a la même foi que lui. Ataoa mtu lebeko na imani moja. C'est la vérité, frère. Ni bia kweri banduku. Écoutez s'il vous plaît, frère. Musikilizeni banduku. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mununue wakati sababu masiku kuya mbaya. C'est pourquoi. Njo kwa man. Ne soyez pas inconsidérés. Nishikwe ba kosa yakima. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lakini muelewe mapenzi ya Bwana ni nini. Voilà. Naona. Tu vois des gens aujourd'hui qui veulent justifier le fait de boire. Mutaona watu leo mapenda kuhesabiwa vile kuna kunywa. Oh non, mais Paul avait dit à Timothée. Oh, Paul alimwambia kwa Timothée. Ne continue pas seulement à boire de l'eau. Hapana kuendelea tu kunywa paka mai. Fais aussi usage d'un peu de vin. Upate kutumia kwa ta vinyo kidogo. C'est écrit dans la parole, frère. Iko kwenye kuandikwa mneno wa nduku. Alors, c'est pourquoi moi je bois. Njoo kwa maana mimi kuna kunywa. Est-ce que Paul t'a parlé que tu souffres de l'estomac? Et na wuna teso na malaria ya estomac? Est-ce que pour ton estomac, Paul t'a dit aussi que toi tu dois prendre du vin? Et juu ya estomac yako na wewe Paul alikwambia sana pasha kubeba kwa mvinyo? C'était une recommandation spéciale pour Timothée. Ilikuwa ni agizo ya kipekee kwa Timothée. Fait, quand tu n'es pas sage, wakati tu leo na waikima, utambuira. Utaanza kuvurujivuruka. Et puis frère, en parlant de la boisson, faut faire attention. Na nduku hapana. Il y a des gens qui s'ils prennent seulement un seul verre, ils s'enivrent. Il y a d'autres, ils peuvent prendre un casier, il est normal. Mais il y a d'autres, une seule bouteille. Kaork. C'est pourquoi dans cet âge de la fin, le Saint-Esprit, par le prophète de notre temps, a parlé contre la boisson. Dans cet âge de la fin, il a parlé contre ça. Bien mes frères et sœurs, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lakini mwelewe mapenzi ya Bwana ni nini? Et la volonté du Seigneur na mapenzi ya Bwana se rapporte toujours à ce que Dieu a commandé ou défendu dans sa parole. Et kuna linganisha na paka kile Mungu alikatala au alagizia kunenu lake. Quand Dieu ordonne quelque chose. Lakini wakati Mungu anaamuri kitu kimoya, faites-le. Mpate kuifanya. Et quand vous le faites, na wakati unefanya, vous faites la volonté de Dieu. Unafanya pale mapenzi ya Mungu. Quand Dieu défend quelque chose. Wakati Mungu anakataza kitu kimoja. Ne le faites pas. Mushifanye. Et quand vous ne le faites pas. Na wakati uifanye. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Uko ndani ya mapenzi ya Mungu. Toute la volonté de Dieu. Nikusema basi mapenzi ya Mungu. C'est que Dieu a commandé ou défendu dans sa parole. Hii kunaangalia kwa vile Mungu alikataza au aliagizia mneno lake. Quand Dieu dit dans Proverbe 18:4. Wakati Mungu anasema Mungu. Sortez du milieu de mon peuple. Tokeni katikati ya taifa yangu. Tous ceux qui sortent. Bote wale wanatoka. Font la volonté de Dieu. Wanafanya mapenzi ya Mungu. Celui qui refuse de sortir. Wana nakatala kutoka. Il est dans l'iniquité. Eko katika uovu. Et il manquera l'enlèvement. Natakosa kunyakuliwa. C'est comme ça que Dieu se présente. Dieu veut Mungu anafaa bitu. Sur toute la ligne de l'écriture. Mumandiko yote. Dieu a insisté sur la compréhension. Mungu aliweka mkazo ili akuelewa. Daniel 9:23. Danieli 9:23. Daniel 9:23. Lorsque tu as commencé à prier. Wakati ulianza tu kuomba. La parole est sortie. Neno litoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mina kuya nyo kujulisha yo. Car tu es un bien-aimé. Sababu kumpendwa. Sois attentif à la parole. Pate kuteka sikio kuneno. Et comprends la vision. Na elewa iono. Pour comprendre la vision. Mbisema njua kuelewa ono. Il faut être attentif à la parole. Inafaa ukwe msikilivu kuneno. Vous voyez? Naona. L'ange vient du ciel. Malaika anatoka kumbili. Il a envoyé vers Daniel. Anamtuma kwa Daniel. Mais il dit à Daniel. Lakini anamwambia Daniel. Sois attentif à la parole. Upate kuteka sikio kuneno. Et comprends la vision. Na elewa ile ono. Frère. Nous ne sommes pas des perroquets. Atuna bale bandeke bakusema sema, bakurepete tukubatu. Nous parlons des choses que nous comprenons. Huko nasema bitu yetu tunaelewa. C'est la vérité. Ni bien quoi? Si aujourd'hui nous faisons confiance à frère Branham. Comment leo tunatumania ndugu Branham? C'est parce que en lisant les écritures, ni njubu kusoma maandiko, nous avons compris qu'il est le messager du temps de la fin. Tunaelewa sema yeye mjumbe wa wakati ya mwisho. Si nous faisons confiance au ministère des frères Franck, comment tu nous nafanya matumaini wetu kama tumaini mwingine Franck, sababu mkusoma maandiko moja moja, qu'il est le serviteur fidèle et prudent. Tuelewa sema yeye ndio mtumishi mwaminifu na mwenye refu. C'est la vérité? Ni bien quoi? Mais tous ne comprennent pas ça. Lakini bote waelewe vile. Il n'y a que ceux à qui cela a été donné qui comprennent. Ni pas kubale barbapewa yo jobe onaelewa. Frère, banduku. La parole de Dieu ne devient pas vérité parce que toi tu l'as cru. Hein? Neno ya Mungu haikuwa ukweli njori yamini. Même si tu ne crois pas, la parole de Dieu est la vérité. Hata wao yamini neno ya Mungu yalipaka ukweli. Ton incrédulité ne changera rien dans la parole. Kutokuamini kwako kutabadilisha kitu kuneno. On peut prêcher la parole. Banaweza kuhubiri neno. Te fasse tu t'en vas. Unasirika unatoka nenda. La parole restera la vérité. Lakini neno yote tabakia paka ukweli. Et Dieu confirmera sa parole. Na Mungu atahakikisha neno lake. Ça ne dépend pas de ton humeur. Ayangarie ali yako we. Ça dépend de Dieu. Iko naangalia tu ni paka Mungu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Na Mungu unakesha yule neno yake jua kuitimiza. L'ange dit à Daniel. Mungu malaika kamwambia Daniel asema. La parole. Wa msikilivu kuneno. Et comprend la vision. Na elewa ono. C'est très important. Iko ya mafasa. Sina marqué du temps de Néhémie. Mutaona sema wakati ya Néhémie. Dans Néhémie chapitre 8 verset 8 et 12. Néhémie 8 paka 12. Néhémie. C'est au temps de la reconstruction. Et nous vivons sur le temps de la reconstruction. Mais écoutez ce qu'il dit. Néhémie chapitre 8. Verset 8. Il y avait en ce temps de la reconstruction. Il y avait un scribe. Que Dieu avait établi là-bas. Que Dieu avait élevé en ce temps-là. Et il lui avait associé des collaborateurs Nari avec qui il prêchait la même chose. Pamoja, na na ubiri, et c'était au temps de la reconstruction. Na ni ya même dans ce temps de la fête, Dieu Ata a fait la même ya chose. Mwisho, Mungu alifanya namuna moja moja. Il a suscité un scribe qui a écrit Ariandika. Et il lui a connecté des domestiques à ce scribe-là qui prêche la même chose ou la même parole. Dieu fait l'histoire du salut au temps de la fin. Mungu anafanya hadithi ya wakati mwisho. Na kuna mtu wako na ile ruhusa kuibadilisha. Maana kutele verset 8. Sasa msikie mstari mnani. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Alikuwa anasoma mkuachana mzuri. Alikuwa anasoma namna kuachana kitabu ya Mungu. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Alikuwa anasoma namna kuachana chana mtabu ya Mungu. Et ils ont donné le sens. Na alikuwa analeta maana yayo. Pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le rôle du ministre, c'est de vous prêcher la parole pour faire comprendre la parole. Et chacun doit sortir ici. En tout cas, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, j'ai compris le contexte de cette écriture. C'est ça le travail des ministres. Ils apportent la parole de façon que le peuple comprenne cette parole. Aujourd'hui, frère, le son de la trompette doit être clair. Et la Bible ne l'a pas dit. La Bible a dit que le peuple qui connaît la trompette. Biblia inasema heri taifa ile unasikia mlilio ya parapanda. Inasema mambo hapa bandiku. Ana kusema tu kumjumbe. Mambo ni ile mlilio. C'est là qu'il y a la différence. Ni pale peko achanisho. On tiendra les mêmes brochures. Utaweza kubeba mabitabu mwa mwa mahubiri. Mtu mwanaweza kubeba mahubiri mwa mwa asema Branham ni Mungu. C'est un son incertain. Ile ni mlilio asipokuwa na uhakika. Wakati mtabeba mahubiri mwa mwa ndugu Branham, mimi nitasema ni Yesu Kristo ndiye mwekwa Mungu. C'est un problème de son. Ni mambo tu ya mulilio. Le son de la trompette. Il est mulilio ya parapanda. C'est ce qui nous différencie des autres. Njo ki ni tuachanisha na bale bengi. Et le son doit être clair. Na mulilio unapasha kuwa ya waje kushikirika. En toutes circonstances. Mambo yote. Maintenant, verset 12. Mustara 12. Némi 8, 12. Némi 8, 12. Et tout le peuple na batu boti s'en alla pour manger et boire. Bakaenda njua kula na kunywa. Et pour envoyer des portions. Njua kutuma bipande. Et pour se livrer à de grandes réjouissances. Na njua kujitoa kuma furaha ya munene. Écoutez. Musikili. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Sababu barielewa maneno leo barabafasiriaka. Quand vous comprenez, wakati tu munaelewa, votre comportement l'éprouvera. Mwenendo yako itayonosha. Voyez frère. Naona nduku moya. Il va y travailler. Anaenda kutumika. On le paye. Banamulipa. Et il prend l'argent de la dîme, il bouffe. Na anabeba le fedha ya chekumi anakula yote. Il n'a pas compris. Ye ule nduku ashikuelewa. Ce frère n'a rien compris. Ule nduku ashikuelewe. Il n'a pas compris que nous travaillons avec Dieu. Ashikuelewa sima tu kunatumika pamoja na Mungu. Et comme conséquence, na matokeo si mbaya, Dieu les frappe. Mungu anampika. On les révoque. Banamtosha. Après il vient tourmenter les pasteurs. Kisha anakuwa kuuzi pastori. Vous priez pour moi. Ase unyombe yeko. Dieu Mungu anipatie kazi ya mzuri. Tu sais que c'est Dieu qui donne le bon travail. Sasa wewe unajua ni Mungu anataka kazi ya mzuri. Pourquoi il donne le bon travail? Dieu ni wakati anakupatia kazi mzuri. Unabeba sehemu ya Mungu na kuria hiyo. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Ni njoo kwa sababu wewe elewa bado. Un homme qui a compris. Mungu lashakuelewa. Obéira toujours à la parole. Atati paka kuneno. Tu vois une sœur ici. Naona dada mwa hapo. Tellement que le berger ici est rigoureux. Vile mchungaji yuko na ukali. Comme elle vit à Kambove. Vile yuko naishi mkambove. Naturel. Eko tu asili. Elle est naturelle. Eko mwanamke wa asili tu. Longue jupe. Anavala jupe yake mrefu. Longue robe. Kanzu yake mrefu. Cheveux naturels. Eko nywele yake yashipokuuzi hiyo. Et son oncle qui est à Paris. Na muyomake kule ku Paris ku Bulaya. Fait les démarches. Anafanya maandamano. Il lui envoie les billets. Anamtumia billet. La sœur qui est Kambove. Dada natoka ku Kambove anaenda kule ku Bulaya. Vous commencez à voir les photos de la sœur sur Facebook. Munaanza kuona ma picha ya dada pa Facebook. Mini jupe. Ayiko tuma kanje tufupi. Avec fente. Na ma kanje ya kukatakata. Na ma mesh pa kichwa. La sœur qui était bois noir. Ule dada alikuwa mweusi wa buzuri. Banane. Anakuwa sawa ndizi. Pourquoi ça? Dieu a dit vile. Elle n'avait rien compris à Kambove. Ah, shikwele wake kintu ku Kambove. Donc pour elle, wake ye, elle comprenait que c'était les lois de l'église. Alikuwa anaelewa sema ni masheria tu ya kanisa. Non, c'est la parole de Dieu. Hapana, ni neno ya Mungu. Un homme qui a compris. Muntu turu alielewa. Même si vous l'amenez en Amérique. Ata unampeleka kule ku America. Ça sera un chrétien qui est en Amérique. Atakuwa ni mkristo ku America. Ça ne changera pas. Ah, itabadilika hata kitu. Bien mes frères et sœurs. Mapendo nduku na dada. Un homme qui a compris. Muntu turu alielewa. Le million ne l'influencera jamais. Ma ali pale kuna ishi haitamvuta kamwe. Il sera toujours influencé par la parole. Ye atavutwa paka na neno ya Mungu. C'est la vérité. Ni bia kweli. Et un homme qui a compris. Na muntu rarelewa. Il n'y a personne qui peut le séparer de l'amour de Christ. Hakuna muntu anaweza kumtenganisha na mapendo ya Kristo. Frère, bandu. Pourquoi tu as quitté l'assemblée? Je ne lutoka makutano. Frère José Mbala m'a donné une réponse sèche. Nduku José Mbala njibu mbaya sana. J'ai dit qu'il ne verra plus dans son église. Ministre Mastenyo na tena mkanisa yake. Tu n'as pas encore compris. Pale au yaelewa kitu. Ça ce n'est pas l'église de Mbala. Il y a na kanisa ya Mbala. Au ya Ngoindai. C'est l'église du Seigneur Jésus. Ni kanisa ya Yesu Kristo. Il n'y a personne qui peut te faire partie de là. Hakuna muntu anaweza kutosha mule kanisa. Parce qu'il n'y a personne qui t'a appelé. Sababu ana muntu alikuita. C'est Jésus qui nous a attirés. Ni Yesu ndiye alituvuta hapa. Nul ne peut venir à moi. Hakuna roho anaweza kuja kwangu. Si mon père ne l'attire. Kama baba yangu ashikunguvute. C'est le père qui nous a attiré. Ni baba yule alituvuta. Et le père ne t'a pas chassé. Na baba na yeye alikufukuza. Quel que soit le problème. Ba nduku hata mambo kuyaje. Persévérer dans la foi. Wewe dumu paka muimani. C'est la vérité frère. Ni bia kweli banduku. La compréhension au temps de la fin. Kuelewa mwakati ya mwisho. C'est une promesse réservée seulement. Ni malako lichungiwa tu pa kubabikira ba yakima. Un frère qui a compris. Nduku tu la rielewa. La parole. Neno. Jamais au moment où le temps du mariage arrive. Kamwe wakati ile ya kuoa inafika, il ne se permettra d'aller puiser dans le monde. Ashita jirusu kamwe kaenda kaoa mdunia. Jamais. Kamwe. Parce qu'il a compris. Sababu yashakuelewa. Une sœur qui a compris. Dada ou la relewa. Ne dira pas que non, mais j'attends les frères ne viennent pas. Ah, moi, je vais prendre mon païen. Ni na chunga banduku bakuye menda kubeba na tana mpagano. Une le seul qui a compris s'attendra toujours au Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 20:31, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Mais il faut connaître une chose, Dieu ne nous décevra jamais. La Bible dit quiconque espère en lui ne sera jamais confié. Montrez-moi dans toute l'histoire du salut. Là où Dieu a déjà déçu quelqu'un. Dieu n'a jamais déçu. Même aujourd'hui, Dieu ne nous décevra jamais. Leo, Mungu. Amen. C'est la vérité, frère de soeur. Donc, dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours insisté sur la compréhension. Oui, frère. Ndio banduku. Daniel 10, verset 12. Na Daniel 10, mstari 12. Daniel 10, 12. Daniel sura 10, mstari 12. Écoutez. Sikilizeni. Il m'a dit. Akanyambi. Daniel. Danieli. Ne crains rien. Usiogope kitu. Frère, la présence de Dieu chasse la peur. Banduku, wepo tu ya Mungu inafukuzaka woga. C'est pourquoi frère Manam disait la peur est une malédiction. Joko manduku leko nasemaka boka ni ol ni malana. Chaque fois que le Seigneur apparaît. Kila mara bwana anaonekana. Il dit toujours ne crains point. Anasemaka paka usiogope. Toujours. Paka. Ne crains point. Usiogope. Mais écoutez. Sikilizeni. Il dit Daniel ne crains rien. Daniel ushogope kitu. Car dès le premier jour tu as eu à cœur de comprendre. Sababu tangile siku ya kwanza ubeba hali ya kuelewa. Et d'humilier devant ton Dieu. Na kujinyekeza mbele ya Mungu wako. Tes paroles ont été entendues. Maneno yako balishikia. Voilà. Unaona? D'abord comprendre. Kwanza ni kuelewa. Ensuite s'humilier. Na kisha kujinyekeza. Dieu ne travaillera jamais avec un orgueil. Mungu atatumikaka kamwe na mtu wa kibengo. Le jour, frère, tu deviendras orgueilleux. Shikuro takuwa na kiburi. Ton ennemi numéro un, c'est Dieu. Adieu wako wa kwanza ni Mungu. Le jour où tu feras ça, tu commences à comprendre que non, sans toi, cette église ne peut pas avancer. Unaanza kuelewa sema bila mimi kanisa haiwezi kuendelea kumbele. Dieu te résistera. Mungu atashindana sana wewe. Dieu imeandikwa muneno. Dieu fait grâce aux hommes. Mungu anafanyia neema kwa wanyenyekevu. Lakini yeye anashindana na watu wa kiburi. Daniel s'est humilié. Daniel alijinyenyekeza. Toi aussi humilie-toi. Na wewe pia ujinyenyekeze. L'humilité ne signifie pas la négligence. Unyenyekevu aiseme unakuwa mtu wa kusula tu. Tu as beaucoup d'habits. Una mavazi ya mingi. Mais tu n'aimes pas les porter. Lakini wewe upende kuivaa. Tu portes seulement un seul. Unabeba paka unavaa paka moja. C'est l'humilité qui me fait ça. Aseme ni unyenyekevu je ni favili. C'est la négligence qui te fait ça. Ile hapana unakuwa tu ni mtu unasula. L'humilité c'est face à la parole. Unyenyekevu unafanyika ni mbele ya neno. Quand la parole dit quelque chose, wakati neno unasema kitu, tu amènes à la parole. Unasema amina kuneno. C'est ça l'humilité. Jo unyenyekevu. Même si tu viens à l'église en babouche, hata unakuja mkanisa na mapapa, mais la parole est prêchée, tu discutes. Lakini neno na ubiriwa huko unabishana nayo. Tu es un orgueilleux. Huko wa kiburi, lakini mwa mpapa. Mais notre qui est en costume là, lakini mwenye anaweza kuwa mkoti ya mzuri. Bien habillé. Anavaa mzuri. La parole est prêchée. Neno na ubiriwa. Il dit amen à la parole. Anasema amina kuneno. Il est humble devant le Seigneur. Eko mnyenyekevu mbele ya Bwana. Nous devons comprendre toutes choses correctement. Banduku tunapasha kuelewa bintu byote mzuri mzuri kabisa. Eh, vous savez pour un homme qui a compris. Mnajua kwa yule mtu alielewa. Même le vocabulaire change. Hata namna yake kusema iko inabadilika. Il parlera comme un homme qui a compris. Atasema sa mtu alielewa. Vous savez Dieu a donné la catégorie de choses. Mtu unaona mtu aleta Mungu aleta. Même si les différents points de la parole, les différents points de connaissance, Dieu a donné la clarté. Et si nous comprenons, nous devons parler comme Dieu parle. Je donne l'exemple parce que je vois que le temps est passé. Hébreux, chapitre 7, Surah Yassab, verset 7. Moussar Yassab. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Oh, Djabu. C'est sans contredit. Ni bila bubishi. L'inférieur. Wachini. Qui est béni par le supérieur. Jo eko na barikiwa na ule mwenye kwa wayulu. Est-ce qu'on dit amen à ça? Et tu nous as dit amen à quoi? Ici, l'inférieur, hapa wachini, c'était Abraham. Ilikuwa ni Ibrahimu. Le supérieur, c'était Melchizedek. Na wayulu alikuwa ni Melchizedek. Et ce soir, na mangaribi ya leo, le supérieur, c'est Dieu. Wayulu ni Mungu. Et l'inférieur, c'est vous et moi. Na wachini ni mwe na mi. Et il est écrit et sans contredit. Na imenjuka pasema bila kubishana. C'est toujours l'inférieur. Ni paka wachini. Qui est béni par l'esprit. Ndio kuna barikiwa na ule wayulu. C'est-à-dire, ni kusema. C'est toujours nous qui sommes bénis par Dieu. Ni kusema ni paka shenye tu kuna barikiwa na Mungu. Jamais nous nous bénirons Dieu. Lakini kama mwisho tutambariki Mungu. Amen. C'est pourquoi dans la Bible. Je commande mon Biblia. Partout Sego a traduit. Par les potes. Mon âme bénit l'Éternel. Lui Sego a tafsiri sema nafsi yangu ibariki Mungu. Béni soit Dieu. Barikiwe Mungu. C'est une mauvaise traduction. Ni kutafsiri kwa kubaya. La vraie traduction. Kutafsiri kwa kuzuri. Loué soit Dieu. Ni kusema asifiwe Mungu. Mon âme loue l'Éternel. Nafsi yangu na sifu wa mileni. On ne bénit pas Dieu. Banduku hawezi kubariki Mungu. C'est Dieu qui nous bénit. Ni Mungu yeye anatubariki. C'est ça la vérité. Njoo nyekwa ukweli. Nulle part vous trouverez un homme en train de bénir. Akuna tafazi mwa mbilo takuta mtu anabariki Mungu. Eti kuna mabaraka kumpatia Mungu. Tu n'en as pas? Hauna nayo. Mais Dieu a des bénédictions à te donner. Lakini Mungu kuna mabaraka kukupatia. Si nous sommes de Deutéronome 28. Hata mnasoma Kumbukumbu la Torati 28. La capacité de commander à la bénédiction. Ni Mungu je kuna ile uwezo ya kuamuri mabaraka ikue yulu ya mtu. Et je vous dis ce soir. Na mimi niambia mangaribi ya leo. Mungu anisha kutubariki ndani ya Kristo. Dieu ne nous bénit pas ce soir. Mungu ashitubariki mangaribi ya leo. Mungu anisha kutubariki. Remarquez même le Seigneur. Muona ta Bwana. Quand il est monté au ciel. Wakati kwa napanda kumbingu. Il a tendu ses mains comme ça. Aliweka mikono yake hivi. En train de bénir ses disciples. Mukubariki banafunzi yake. C'est pourquoi un chrétien. Jo kwa maana mkristo. Qui est passé par la croix. Ule alipita pa msalaba. La malédiction est enlevée. Lana basha kuyondosha. Et la bénédiction est donnée. Na baraka banamupatia hiyo. Aujourd'hui, frère. Leo banduku. Tous ceux qui sont en Christ. Bote beko katika Kristo. Ils ne peuvent plus jamais être maudits. Abawezi tena kulaniwa. La Bible dit. Biblia nasema. Christ est devenu malédiction pour nous. Kristo alikuwa laana kwetu. Afin que par lui. Kusudi kupitia yeye. La bénédiction d'Abraham. Baraka ya Ibrahimu kwa yulu yetu. C'est la vérité. Ni bia kweli. C'est pourquoi dans Ephésiens 1 3 4. Jomu kwa maana mwa Efeso 1. Paulo anasema. Loué soit Dieu. Asifiwe Mungu. Loué soit Dieu. Asifiwe Mungu. Vous lirez second dit. Béni soit Dieu. Mutasoma mu Louis Segon na tafsiri sima abarikiwe Mungu. La vraie traduction c'est loué soit Dieu. Mutafsiri kwa kuzuri ni asifiwe Mungu. Le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a béni? Ula ritubariki. Pas qui nous bénira. Asema hapana sema ula ritubarika. Ula anaisha kutubariki. De toutes sont des bénédictions spirituelles. Na aina yote mabaraka kiro. Dans les lieux célestes en Christ. Mumali pa juu pa mbingu ndani ya Kristo. Même si que tu es là. Ata vile kupanya. Même si dans la poche. Ata mumfuko ya amuna feza. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Lakini Bwana yesha kukubariki. Amen. Ton problème. Mambo yako. C'est de croire et d'obéir. Ni kuamini tu na kutii. Le Seigneur accomplira sa promesse. Bwana yatatimiza malako yake. C'est la vérité. Ni bia kweli. Donc quand quelqu'un a compris. Sasa wakati tu mtu anaelewa. Même le langage doit le témoigner. Ata musemo yake ataweza kushuhudia hiyo. Tu parleras pas comme celui qui n'a pas compris. Au utasema sasa ula shaelewa. Même en termes de mariage. Atam kuangara mambo ya ndoa. Le Saint-Esprit a corrigé le langage. Rom takatifu alinyolosha namna kusema. Le Saint-Esprit a montré. Rom takatifu alionyesha. Que quand il est question de l'épouse. Lakini yasema kama ni mambo ya bibi harusi, ya bibi. Il s'agit de fiançailles. Kama ni mambo ya bibi ni kusema ni mchumba. Mais quand il est question du mariage. Lakini kama unasema mambo ya ndoa. Il s'agit de femme et ni, de mari. Ni mambo ya bibi na bwana. On est épouse. Tuko bibi. Je parle du Saint-Esprit. Ni kuna sema je parle de la parole. Ni kuna semea yule aneno. On est époux. Tuko bwana rusi na bibi. Pendant les fiançailles. Ni wakati ya kuchumba. Quand le mariage est célébré. Wakati wanashangilia ndoa. On devient mari et femme. Bana tunakuwa sasa bibi na bwana. La femme de Ngoinda et de frère Ngoinda là. Bibi wa ndugu Ngoinda. La sœur Annie. Dadani. Elle fut l'épouse de frère Ngoindai. Arikuyaka ni mchumba wa nduku Ngoindai. Maintenant. Sasa pa sasa. Ce n'est plus son épouse. Aina tena mchumba wake. C'est sa femme. Ni bibi yake. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible. Je commence à mtasoma mu Biblia. Prenez la Bible rapidement, je vais arrêter par là. Mbebe Biblia kwa haraka mtashimamia pale. 2 Corinthiens chapitre 11. Wa Korinto wa pili sura 11. Verset 2. Mstari wa pili. Écoutez comment Paul parle. Mushikie vile Paul kunasema. Car je suis jaloux de vous. Sababu niko na bwivu na mweye. D'une jalousie de Dieu. Na bwivu ya Mungu. Parce que je vous ai fiancé. Sababu mimi nichumbia. Un seul époux. Kwa mume moja. Est-ce que l'assemblée me suit? Eti kanisa inanifuata. Je vous ai fiancé. Nilimichumbia. Un seul époux. Kwa mume moja. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Peleka kwa Kristo sawa bikira mwenye kwa safi. Devant Christ. Mbele ya Kristo. Il est notre époux. Ni mchumba wetu. Nous sommes son épouse. Tuko bibi harusi. Maintenant là déjà. Hapa sasa hapa tuko nasema. Nous sommes l'épouse de Christ. Tuko bibi harusi wa Kristo. Quand le mariage aura lieu. Wakati ndoa itafanyika. Et que nous quitterons le ciel pour venir régner. Na tutatoka kumbingu njoo kutawala. Nous ne serons plus l'épouse. Hatutakuwa tena bachumba. Nous deviendrons la femme de l'agneau. Tutakuwa ba bibi ya mwana kondo. Frère. Banduka. La préparation signifie matayarisho kunasema maana yake vocabulaire doit changer. Hata msemeo unapaswa kubadilika. Doit parler comme des hommes qui ont compris. Tunapaswa kwanza kusema sasa bantu wenye kuelewa. Doit parler comme les autres. Hatuwezi tena kusema sasa wengine. Je continue à lire les écritures à part avec l'épouse. Mimi niendelea kusema njoo kusemea bwana harusi, bibi harusi. Je prends une autre écriture. Mimi nabe bandiko wengine. Dans Jean 3 29. Yohane 3 29. Jean 3 29. Yohane 3 makumi. Il est écrit. Mandikwa. C'est lui à qui appartient l'épouse. Ule eko mwenye bwana. C'est l'époux. Ni bibi. Mwenye bibi ni bwana. L'ami de l'époux. Lakini rafiki wa bwana. Qui ule anashimama pale. Et qui l'entend. Na eko namshikia. Éprouve une grande joie. Eko nasikia furaha munene. À cause de la voix de l'époux. Kwa sababu ya sauti ya ule mtu. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Na hii furaha yangu iko ya kamilifu. L'époux, c'est Christ. Ni Christ. L'épouse, Bibi Arusi, c'est vous et moi. Ni mwena mi. L'ami de l'époux, rafiki wa bwana c'est le prophète. Ni nabi. C'est lui l'ami de l'épouse. Yenjo rafiki ici, wa bwana l'ami de l'épouse, c'est le prophète Jean-Baptiste. Hapa rafiki wa bwana Arusi ni Yohana Mbatizaji. Mais l'épouse n'est pas la propriété d'un homme. Lakini bibi harusi ana wa bwana mtu mmoja tu. L'épouse est la propriété de l'époux. Lakini bibi harusi ni celui à qui mali ya bwana. L'épouse c'est l'époux. Ule mwenye bibi harusi ni bwana harusi. Donc en tant qu'épouse. Ta sawa bibi harusi. Vous êtes la propriété de l'époux. Muko mali ya ule bwana harusi. Et vous écoutez la voix de l'époux. Na muko nasikia sauti la ya bwana harusi. La voix de l'époux aujourd'hui. Sauti ya bwana harusi leo. Ni ujumbe ya leo. C'est ça la voix de l'époux. Njo sauti ya bwana harusi. Que nous écoutons. Il est tout nashiki. Une autre écriture frère. Andiko ingine banduku jo kumaliza. Apocalypse 22 17. Ufunulo 22:17. Apocalypse 22 17. Ufunulo 12. Écoutez ce que dit. 12. Et l'esprit. Na ro. Et l'épouse. Na bibi harusi. Dis. Banasem. Viens. Kuja. Est-ce que vous suivez? Eti muna fuata. L'esprit. Ro. Et l'épouse. Na bibi harusi. Ne disent pas. Il est déjà venu. Abasem anesha kuya. Non. Apan. L'esprit et l'épouse. Ro. Na bibi harusi banasema. Viens. Kuja. C'est-à-dire, l'épouse est en train d'attendre la venue du Seigneur. Ni kusema bibi harusi unachunga kuruja kwa Bwana. En attendant sa venue. Na mkongoja kuja kwake. Eko ni mchumba. Pendant les fiançailles. Mwakati ya mchumba. Somme son épouse. Tuko bachumba. Mais quand le mariage sera célébré. Sasa wakati tutashangilia ndoa. Nous deviendrons la femme. Tutakuya ni babibi. C'est pourquoi vous lisez dans Ephésiens 5. Njoo wakati kama nasoma mwa Efeso 5. Mstari wa 12. Il n'est jamais écrit. Abaya ndikaka kamwe. Épouse. Bibi harusi. Soyez soumise à vos époux. Mupate kwa bakuti ba bwana yenu, ba bwana harusi. Ou époux. Ao bwana harusi. Aimez vos épouses. Mupende bibi harusi wenu. C'est qui? Imeandikwa tu. Mari. Bwana. Aimez vos femmes. Mupende ba bibi yenu. Et c'est qui? Na imeandikwa. Que la femme. Asema bibi. Soit soumise à son mari. Apate kwa mutifu kwa bwana yake. On a parlé que les épouses soient soumises à leur époux. Aba kuseme bachumba apate kwa mutifu kwa bwana yake. Que qui est demandé aux femmes c'est pendant les mariages. Utifu bwana lomba kwa mwanamke ni mkao wakati ya ndoa. Ni mundoa. Tu vas pas dire à ta fiancée là-bas. Au tambia mchumba yako asema ukoe wa kutii. La fiancée est encore sous tutelle de son père. Mchumba ingariki chini ya mamlaka ya baba yake. Elle dépend de son père. Eko na angalia ni kwa sauti ya baba yake. C'est quand son père donnera sa mère. Ni wakati baba yake atampeleka. Sous tutelle de toi. Jo atakuwa chini ya mamlaka yako. Et là elle te doit la soumission. Na pale anastahili kukutii. Est-ce que vous comprenez? Et tu m'as dit, c'est la vérité, frère. Donc le langage doit changer. Le vocabulaire doit changer. Et Dieu est en train de donner la clarté sur chaque point. Et on doit le ressentir. Par l'homme comme des hommes et des femmes qui avons compris la parole de Dieu. C'est la vérité, frère. Et c'est ce que vous verrez le Seigneur dans Matthieu 13:52. Après avoir donné toutes les paraboles, il pose la question aux disciples. Avez-vous compris toutes ces choses? Et oui, répondirent-ils. Bakajibu. Tous les disciples ont crié à haute voix, oui. Le même Seigneur pose la même question à ses disciples qui sont à Kambove. Avez-vous compris toutes ces choses? Non, répondez comme les disciples. Ils n'ont pas dit amen. Ils ont dit oui. Avez-vous compris toutes ces choses? Voilà. Si vous avez compris, dites oui. Donc la compréhension est importante. Pendant que vous sortez là, comportez-vous comme des hommes et des femmes qui avaient compris la parole. Et un homme qui a compris la parole n'abandonnera pas son assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Un homme qui a compris la parole, il sera chaque jour assidu au temple. Que Dieu vous bénisse ce soir. Mungu ami bariki mangaribi ya leo.